Merci Tiphaine, aujourd'hui dans la compagnie, c'est le dernier volet de notre série consacrée au peintre anglais Francis Bacon. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Francis Bacon est né en 1909 en Irlande de parents britanniques, mais il a surtout vécu à Londres jusqu'à sa mort. À l'âge de 82 ans, sa peinture, tout comme sa personnalité, ont été beaucoup caricaturées. Lui qui faisait des tableaux qu'on a souvent jugés morbides n'était pourtant pas du tout attiré par la mort, qu'il disait même parfois trouver scandaleuse. Lui qui vivait la nuit dans des bars était la journée d'une très grande rigueur devant son chevalet. On n'est jamais assez dur avec soi-même, avait-il même coutume de dire. C'est donc d'un être en apparence paradoxal dont nous parlons depuis lundi dans la compagnie des œuvres. Lundi où nous avons dressé le portrait de celui qui a lui-même peint de nombreux visages, c'était grâce à Yves Perret, auteur de Francis Bacon ou La mesure de l'excès aux éditions Gallimard. Mardi, nous nous sommes un peu plus rapprochés de l'œuvre elle-même avec Philippe Dagen, pour qui Bacon peignait aussi les souffrances du XXe siècle, quoique de façon non narrative. Enfin, hier, nous avons parlé de Bacon au sein même de l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 20 janvier au Centre Pompidou à Paris, avec son commissaire Didier Ottinger, ainsi qu'avec l'écrivain Yannick Enel. Et aujourd'hui, pour évoquer les liens de Bacon avec trois écrivains, nous serons en seconde partie de cette émission en compagnie de Dominique Viard, professeur de littérature à l'université Paris-Nanterre. Il nous parlera des liens du peintre avec le poète Jacques Dupin et également avec le livre de Claude Simon, Triptyque, dont la troisième partie est inspirée par Francis Bacon. Mais d'abord, dans cette première partie, c'est vous, Pierre Villard, qui venez nous parler de Bacon et Michel Léris. Bonjour à vous. Bonjour. Alors en 2011, vous aviez publié l'édition des Écrits sur l'art de Léris, l'auteur du livre intitulé L'âge d'homme. Peut-être faut-il redire un petit peu, en introduction à cette discussion, qui était Michel Léris. Michel Léris, c'est un écrivain qui a de nombreuses facettes. Il est à la fois un poète, on oublie parfois ce côté-là de Michel Léris, un poète, et je crois qu'il s'est toujours voulu un poète. Il est un ethnographe, revenu à l'ethnographie d'ailleurs relativement tard dans sa vie par rapport à sa formation initiale. Et puis c'est l'un des plus grands autobiographes du XXe siècle, quelqu'un qui a vraiment renouvelé le genre autobiographique en mettant l'accent sur un certain nombre de choses qui jusqu'alors n'avait pas été systématiquement utilisé comme il le fait, en particulier sur le langage, sur les mots d'une vie, et sur une fragmentation du discours autobiographique. Et donc c'était un grand ami de Francis Bacon. Il faut peut-être commencer par redire à quel point justement leur relation intime, personnelle, alors, c'était était forte. Un ami personnel de Léris. J'insiste, quelque chose comme ses amis de cœur. Léris a beaucoup d'amis vraiment important dans sa vie, qui sont des peintres. C'est quelqu'un qui entretient avec les peintres un rapport d'affection très fort. Pourquoi d'après vous? Je pense qu'ils trouvent quelque chose dans leur travail. Je pense toujours à cette formule de Jacques Dupin qui était très belle, qui disait qu'il y avait une jalousie des écrivains envers les peintres, parce que les peintres se salissaient les mains, avaient un chiffon à la main, ça sentait bon, on travaillait, on revenait, ils avaient un atelier. Et Léris, comme beaucoup d'écrivains, a sans doute eu ce goût pour l'atelier, quelque chose où on peut bricoler, fabriquer des choses. D'ailleurs, pour l'atelier de Giacometti, il le montrera, cette affection de l'iris pour l'atelier. Donc il y a ça, il y a, je pense, l'idée de l'atelier qui lui manquait, a pratiqué, du coup. Qui lui manquait, mais qu'il a essayé de pratiquer. C'est-à-dire que c'est un homme qui travaillait sur fiches, qui travaillait sur son journal, qui travaillait sur toutes sortes de documentation, avec une pièce de son appartement dans lequel il écrivait, dans lequel il rangeait les choses, dans des boîtes, enfin, toutes sortes de choses. C'est un ethnographe systématique et méthodique, donc il travaillait aussi comme un ethnographe. Et il trouve quelque chose de cet ordre-là, je crois, chez les peintres. Et puis l'autre chose, c'est que je crois que l'iris, c'est quelqu'un qui est hanté par l'image. Depuis l'enfance, il le dit lui-même d'ailleurs, dans l'âge d'homme, il le montre assez bien, et qu'il trouve chez ses peintres, qui sont pas n'importe quel peintre, puisqu'il s'agit tout de même, par exemple, de Picasso, avec lequel il est vraiment intime, de Miro, avec lequel il entretient une amitié profonde pendant très longtemps, d'Alberto Giacometti, qui est beaucoup plus que simplement un ami, qui est quelqu'un avec qui, à un moment de la vie de l'iris, au moment de son suicide, de sa tentative de suicide, Giacometti joue un rôle presque vital auprès de Michel Léris. Il va l'aider à renaître, littéralement. C'est un médiateur, Giacometti. C'est quelqu'un qui est vraiment très profondément lié à l'iris. Wilfredo Lam, qu'il ne faut jamais oublier, avec lequel il entretient aussi un rapport très fort. Et puis, assez tardivement, il rencontre, à l'occasion d'une exposition Giacometti à Londres, Bacon. Et donc, en 1965. C'est ça. C'est une amitié du milieu des années 60. Donc, il s'agit déjà de deux personnages qui ont un métier derrière eux, une carrière derrière eux, voilà, et qui sont l'un un écrivain établi, l'autre un peintre reconnu déjà. Enfin, qui commence en tout cas à être très reconnu après avoir été simplement reconnu. Et Léris et Bacon, je pense que leur rencontre physique et la proximité d'amitié, qui sont d'ailleurs des amitiés durassiennes aussi, comme Sonia Brownell, devenue Sonia Orwell ensuite, joue un rôle très important. Isabel Rawthorne et d'autres jouent aussi ce rôle de médiateur. Alors, cette amitié, elle va se construire sur le regard de l'un sur l'œuvre de l'autre et inversement. C'est vraiment le respect et la fascination qu'ils portent sur leur travail respectif qui les lie. Alors, il y a cet échange, c'est-à-dire que très vite, Léris écrit des textes sur Bacon. Il fait quelque chose qu'il a fait toute sa vie, c'est des textes d'accompagnement, des textes de catalogue à l'occasion d'exposition. Il ne faut pas oublier que Léris, pour des raisons familiales, est très lié à Daniel-Henri Kahnweiler, qu'il a toute sa vie eu en quelque sorte à travailler, j'ai trouvé une formule un peu drôle pour dire ça, pour la galerie, c'est-à-dire effectivement accompagnant le travail des galeristes et des galeries. Léris va produire des textes sur Bacon que Bacon adoube, c'est-à-dire auquel Bacon va donner plus que son accord. Il va parler de la sagacité, par exemple, de Léris, et on a le sentiment qu'il se sent compris. Et d'un autre côté, il se passe des choses étranges chez Bacon, dans ses entretiens, il le signale, comme par exemple la découverte de la tauromachie par Léris, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'autant Bacon est hispanophile, adore l'Espagne, et voilà, découvre. Mais autant, la tauromachie, c'est Michel Léris, et le dernier livre qu'ils feront ensemble, c'est un livre illustré, précisément, Miroir tauromachie. Les deux, d'ailleurs, vont disparaître à peu près en même temps que le livre sort, mais qui sera leur dernière œuvre ensemble. Et alors, tout d'un coup, il propose une chose assez étonnante, c'est que dans un des entretiens de Bacon, il dit « Au fond, j'aurais peut-être aimé faire une autobiographie en peinture, c'est-à-dire me lancer là-dedans. » Et là, clairement, on peut penser que c'est Léris le modèle. Paris, le 3 avril 1982. Cher Francis, je réfléchis toujours sur le réalisme à propos de vos œuvres, mais cela est décidément piétine. Je me suis remis à faire des jeux de mots poétiques, comme à la vieille époque surréaliste. Et voici comment j'interprète, de façon forcément sibylline, le mot réalisme. Réalisme, misère, rat et aller à l'âme. L'art même, ici même. Ce que je retiens finalement du réalisme, c'est donc moins la conformité à la réalité extérieure que le désir subjectif d'aboutir, sans inflation, à quelque chose qui aura pour le moins autant de poids qu'une réalité. Excusez mon obscurité, j'espère que petit à petit cela s'éclaircira. Merci pour le très bel envoi qui me vient de Barcelone. Et ma grande affection, Michel Léris. extrait d'une lettre de Léris à Bacon qui date du 3 avril 1982 dans une lecture de Quentin Bayot. Quelle était la teneur finalement de cette correspondance ? Ici, on entend qu'il s'agit évidemment de peinture, mais est-ce que dans d'autres lettres, il y a aussi des choses qui sont d'un ordre plus personnel ? Oui, alors ce qu'ils partagent est assez large, hein, et ils ont beaucoup de goûts en commun. Alors, il y a cet échange autour de la question. Là, il est en train de préparer un texte. Il est en train de préparer un texte qui est son texte le plus important, qui s'appellera donc Francis Bacon, Face et Profil. Comme son titre l'indique, c'est une sorte de portrait qu'il va faire de Bacon, sachant que Bacon a peint deux portraits qui sont parmi les plus importants qu'il ait jamais pu réaliser de son ami Michel Léris. Et le débat porte sur des questions qui importent énormément à Léris à ce moment-là, et qui sont justement le moment où, autour du ruban coup d'Olympia ou d'autres textes, il travaille cette question. La question de la figure humaine, de la figure, de la représentation. Pourquoi est-ce que l'un et l'autre, Bacon comme Léris, ont toujours beaucoup tenu à se défaire de l'abstraction, à conserver ce rapport à la figure humaine. La question du réalisme, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est cette réalité ? Ce qu'il appelle la présence, il y a tout un jeu chez Léris sur présence, prêt, proximité, représentation, etc. etc. Et puis d'autres goûts qui sont très importants chez eux. Ce sont des hommes, Jacques Dupin disait à la mort de Léris dans un article que avait publié Libération, que Léris était quelqu'un à qui on tapait pas dans le dos ni sur le ventre. Enfin, c'était un homme tiré à quatre épingles, comme Léris le disait lui-même. Et il y a ce côté-là aussi chez Francis Bacon, qui, quand on l'a croisé, son imperméable ou son petit blouson de cuir était toujours extrêmement tiré à quatre épingles aussi à sa façon. Et ces deux hommes tirés à quatre épingles qui aiment beaucoup le Sancerre, qui aiment beaucoup le champagne, qui boivent avec plaisir et en société, ont en même temps une retenue extraordinaire. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans cette correspondance, qui est très brève, hein, il y a très peu de choses, c'est la retenue, c'est la tenue, la discrétion, la réserve presque, avec une immense amitié. Et ce qui crée aussi une complicité du coup très très forte. Je crois que c'est Sylvester qui raconte qu'on les voyait souvent cachés au fond d'un café parisien, rigoler un peu tous les deux sous cape, mais toujours en effet avec cette tenue que vous évoquez, Pierre Villard. J'ai un souvenir qui me vient dans cette maison de la radio, c'est Mathieu Bénézé me racontant une soirée à trois dans un café justement, Bacon, Léris et lui, et Léris rentrant quasiment à quatre pattes et la porte s'ouvrant et la femme de Léris accueillant Léris, et Léris retrouvant une sorte de jeunesse prodigieuse dans ces épisodes d'amitié. Oui, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est, tous ceux qui les ont vus, en particulier dans des expositions, le disaient. Jacques Dupin me l'avait également rapporté, quelque chose qui les liait et qui les isolait. C'est-à-dire que Dieu sait qu'ils étaient entourés d'une mondanité nécessaire dans ce genre de circonstances. Et dès qu'ils se retrouvaient ensemble, une conversation venait s'engager. Alors pour revenir sur cette question du réalisme, qu'est-ce qui profondément les intéressait, peut-être les inquiétait aussi, l'un comme l'autre, qui faisait que ils avaient besoin, en miroir l'un avec l'autre, justement de confronter leurs idées et leurs interrogations sur cette problématique-là? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'intensité ou la tension. L'un et l'autre sont des passionnés de l'épiphanie, du moment de manifestation de la réalité à son moment le plus intense. Et effectivement, ce que Léris va appeler assez facilement l'horreur chez Bacon, que Bacon va d'ailleurs tout de suite accepter dans ce vocabulaire-là, alors que d'autres personnes ne l'accepteraient sans doute pas de la même façon. Il y a une reconnaissance, enfin quelque chose de commun. Il y a une deuxième chose, c'est le rapport au corps. Parce que si on lit Michel Léris, c'est quand même un des écrivains qui, du début à la fin, et même dans sa poésie, n'a jamais cessé de penser ce corps à la fois écartelé et cloué à la réalité qui est le sien, avec l'érubescence, la couleur qui est très importante chez Léris, la manifestation de l'incarnation et de l'incarnat. Et évidemment, Bacon, alors c'est son outil de travail, ça, de façon très, très claire. Et puis, la sexualité, tout de même, c'est à la fois l'occasion de tourner autour de ces scènes sexuelles. Ne jamais oublier que L'âge d'homme est écrit quand même autour de deux scènes de cruauté et liées profondément à la sexualité, et de deux tableaux parce que c'est de la peinture qu'il s'agit. Et par exemple, chez Lyris, il a une petite formule assez drôle, il parle des goûts hétérodoxes en matière sexuelle, pour ne pas dire justement sexuelle, de Bacon. Or lui, c'est une question qui a pu, à certains moments de sa vie, le préoccuper aussi. Donc il s'agit toujours de dire la réalité telle qu'elle est, de dire le monde tel qu'il est. Absolument. Et sans, c'est toujours une phrase de Paul Valéry, curieusement, que cite Francis Bacon, c'est-à-dire effectivement, sans l'ennui de la transmission de cette réalité, donner la sensation sans que l'on accompagne cela de l'ennui de la transmission de cette réalité. Je crois qu'une grande partie de l'œuvre de Lyris dans l'autobiographie essaye, en s'inspirant de toutes sortes de sources, dont Proust n'est pas la dernière, de donner cette sensation sans, justement, l'ennui de la transmission. Et Bacon, c'est autobiographique aussi. Alors, c'est autobiographique en partie, c'est-à-dire que ça l'est pour une grande partie, en particulier avec ce phénomène baconien très particulier qui est la ressemblance ou la reconnaissance, le fait que George Dyer ou d'autres se trouvent reconnaissables, lisibles comme des signes immédiats, mais c'est aussi une déconstruction de cette autobiographie, parce que d'une certaine façon, Bacon, ce projet dont il parle, il ne l'a pas fait. Hein. Il comptait, il le dit dans un entretien, il avait imaginé de faire une sorte de séquence biographique de son enfance à l'actualité, picturale. Mais d'une certaine façon, il ne l'a pas fait. En revanche, le travail de l'archive chez lui, c'est-à-dire la façon dont il utilise des images, et des images qui comptent. Hein. Par exemple, on prend des images de safari ou d'animaux, mais ce sont des photographies prises par quelqu'un, photographe, qui a été un amour et un personnage important de la vie de Bacon. Mais il a admiré la manière dont Lyris renouveler justement le genre autobiographique dans l'âge d'homme en particulier. Alors je pense, et puis je pense aussi qu'il a dû être intéressé, mais ça je pourrais certainement pas parler à sa place, chose que Bacon détestait particulièrement, c'est qu'on parle à sa place, c'est la capacité de Lyris de faire feu de tout bois, c'est-à-dire d'utiliser absolument tout matériau qui peut devenir autobiographique. Or chez Bacon, ce qu'il appelle l'accident au point de vue technique, mais ce qui est aussi un accident au point de vue de la déconstruction de la narration, c'est-à-dire un accident de la ressemblance, un accident de... Voilà, une seringue n'est pas seulement une seringue plantée. Une croix gammée n'est pas une croix gammée référentielle. Tel portrait de singe qu'il a pris exactement dans une image que l'on connaît aujourd'hui, ça n'est pas un portrait de singe de cette façon-là. Il y a chez Lyris quelque chose aussi de cette défiguration, de cette déformation dans le travail autobiographique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre Villard, justement, de ces célèbres portraits peints par Bacon de Michel Lyris, où on a l'impression que Lyris devient une sorte de cyclope, parce que dans l'un des portraits, on ne voit quasiment pas son second œil. Il y a une espèce de ligne comme ça aussi qui lacère vraiment le visage. Qu'est-ce que ça nous dit de la vision de Bacon sur Lyris? Alors, on peut le prendre de deux points de vue. Du point de vue de Bacon, ça dit qu'il connaît très très très bien son ami. C'est-à-dire que ce visage est entré dans son regard, est entré dans ça. Et il le dit lui-même, celui qu'il préfère et celui qui, dit-il, ressemble le plus à Michel Lyris, c'est celui qui, du point de vue d'une mimésis immédiate, ressemble moins. Parce que ça ressemble à Michel Lyris. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment... Et de l'autre côté, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça représente quelque chose de particulier, qui est ce que Lyris appelle le modèle rongé, la présence du temps, la légère coupe rose de Michel Lyris, qui était très frappante dans son visage, et la marque du temps. Et alors ça, évidemment, pour Lyris, c'est bouleversant. Parce Est-ce que tous vraiment... les portraits de Bacon ne sont pas justement un petit peu comme ça, justement, cette décomposition des chairs aussi? Pas tous, pas tous. En particulier, par exemple, les autoportraits où il a cette mâchoire forte, cette virgule de la mèche, ou les portraits de George Dyer avec la déformation latérale, là aussi l'amour qu'il a de l'angle latéral du visage de George Dyer, des choses comme ça, c'est pas le même regard. Sur Lyris, dont il sait qu'il est hanté par le temps, hanté par la mort, hanté par le modèle rongé, hanté par justement cette marche du temps sur le visage. L'âge d'homme commence quand même par un autoportrait pictural, enfin par quelque chose comme quel est mon visage, quel est mon regard. Est-ce que Léris a commenté lui-même après ces portraits ? Alors, il ne va pas commenter cela, les siens, il va simplement dire qu'effectivement, à un moment on demande à Michel Léris si effectivement, c'est Jean Clay qui demande à Michel Léris, est-ce que vous vivriez avec un tableau de Bacon chez vous ? Et il dit oui, j'aimerais beaucoup. Il en avait d'ailleurs des tableaux de Bacon. Et alors, c'est un problème, c'est que Léris habitait chez Kahnweiler, si j'ose dire, c'est-à-dire que la collection picturale autour de lui n'était pas nécessairement celle de ses propres amis et relations, et en particulier Bacon et Kahnweiler, c'était pas tout à fait le même univers. Donc, il ne devait pas vivre avec tant d'images de Bacon autour de lui. Parce que je crois que les Léris ont donné justement en 1984 leur Bacon, il devait y en avoir 3 ou 4 au Centre Pompidou. Mais ça devait être à peu près tout, je suppose. Enfin, je n'en sais rien, mais je suppose. J'espère toujours déformer les gens dans le sens de leur apparence. Je ne peux pas les peindre littéralement. Par exemple, je pense que des deux portraits que j'ai faits de Michel Léris, celui qui est le moins littéralement lui est en réalité celui qui lui ressemble de la manière la plus poignante. Ce qu'il y a de curieux à propos de ce portrait-là de Michel, c'est qu'il est le plus ressemblant et que, cependant, si vous pensez à la tête de Michel, elle est plutôt ronde, en fait, et celle-ci est longue et étroite. Si bien qu'on ne peut pas savoir ce qui fait paraître une chose plus réelle qu'une autre. Je tenais vraiment à ce que ces portraits de Michel lui ressemblent. Ça ne rime à rien de faire le portrait de quelqu'un s'il n'y est pas ressemblant. Mais parce qu'elle est plutôt longue et mince, cette tête-là n'a en réalité rien à voir avec la tête de Michel. Et quand même, c'est celle qui lui ressemble le plus. Du moins, je pense que c'est la plus ressemblante. Mais cela reste l'une des choses qu'en peinture, il est franchement impossible d'expliquer. Et je voudrais faire en sorte que mes peintures soient de plus en plus artificielles, de plus en plus déformées, comme on dit. Oui, certainement, de plus en plus artificielles. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Cette lecture d'un passage des entretiens de Bacon avec David Sylvester. Pierre Villard, c'est amusant aussi parce que ces entretiens, ils ont été traduits en partie par Michel Léris. Je ne sais pas s'il a traduit la partie où il était question de lui, peut-être le savez-vous. Alors, Michael Pépiat et Michel Léris ont effectivement proposé la version française très peu de temps après la version anglaise de L'Art de l'Impossible. Et Léris présentait justement dans la collection Les Sentiers de la Création, très important série d'entretiens de Francis Bacon, qui deviennent d'ailleurs un livre de référence très très vite. Et Léris, je sais qu'il joue un rôle de médiateur, qu'on a affaire à quelque chose de très important. Mais la certitude, c'est qu'il y a quelque chose là comme une volonté aussi de transmettre. Il a fait la même chose avec Giacometti, c'est-à-dire que chaque parole d'un peintre important lui semble mériter une attention particulière. Il faut écouter les peintres. Mmh. Il faut écouter les peintres et en particulier, il faut regarder leur atelier, voir comment ils travaillent et écouter leurs paroles. Les écrits de Giacometti, les entretiens de Francis Bacon, je crois que pour des écrivains comme Michel Léris, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder de près. Alors, il faut écouter les peintres, peut-être d'autant plus que les peintres peuvent parfois avoir des difficultés à s'exprimer à l'écrit ou à l'oral. Est-ce que selon vous, Bacon les avait, ces difficultés, et est-ce que c'est précisément pour cela aussi que son médium était la peinture ? Est-ce qu'il aurait eu envie, est-ce qu'il admirait chez Léris son aisance avec les mots ? Alors, son aisance avec les mots à l'écrit, il n'y a aucun doute. En revanche, à l'oral, il me semble que Bacon est très clairement un maître de parole. Et là, je le dis en français aussi, d'ailleurs. En terme, oui, je le dis presque dans un sens ethnographique. Je veux dire par là que Léris est quand même quelqu'un qui a été en Afrique rencontrer la possession, rencontrer des gens qui étaient dans la théâtralisation des rites de possession, et que quand il rencontre Francis Bacon, il rencontre un maître. Ça, c'est tout à fait clair. Et un maître de parole, j'insiste beaucoup là-dessus, tous les entretiens que nous avons de Bacon sont pas seulement extraordinaires, ils sont incroyablement maîtrisés. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il dit. Et pourtant, on a l'impression qu'il va toujours dans les faux-semblants, qu'il lance des fausses pistes, qu'il perd un petit peu le lecteur. Mais enfin, ça, c'est la spécialité de ceux qui justement connaissent le langage. Personne ne peut suivre Jean Paulhan et personne ne connaît mieux le langage que Jean Paulhan. Mais on est incapable de suivre une parole de Jean Paulhan justement à cause de ça. Non, il y a quelque chose chez Bacon, c'est qu'il est en lutte contre une certaine façon d'approcher le langage et surtout un usage du langage. Il est en lutte contre la religiosité du langage. Il est en lutte contre la signification référentielle, la narration, toute une série de choses qu'il va défaire, dont il veut se débarrasser. Et cette peinture, comme le dit très très bien Léris, cette peinture de la brutalité du fait, doit se débarrasser justement des détours de la parole. Hein. Jacques Dupin disait que la peinture est condamnée au détour, la parole est condamnée au détour et qu'elle regrette toujours l'abrupte. De l'image et du rapport en parlant de enfin culture. L'image raconte quand même aussi chez Bacon. Eh bien ça c'est un problème. L'image est là, elle est présente. Qu'elle raconte, ça n'est pas tout à fait certain. Et en tout elle cas peut raconter parce que ce sont des scènes parfois. Alors c'est ce que Léris approche. Et il va aller du côté de la théâtralité, sauf que c'est une théâtralité, je cite Bob Wilson comme exemple de cette théâtralité-là, qui intéresse beaucoup Léris, qui, le regard du sourd devient pour lui une sorte de moment encore crucial. C'est une théâtralité qui n'est pas nécessairement narrative, justement, peut-être même est-elle anti-narrative. Et Bacon dit très très bien que dans la construction du triptyque, que dans la forme de cette théâtralité, dans la vitre qu'il dispose pour remplacer le vernis, comme il dit sur le tableau et l'écarter, il y a aussi quelque chose qui vise à défaire, démobiliser, ou peut-être, comment dire, tordre, comme il distord, comme il fait des distorsions de la figure, comme il détourne la figure. De la même façon, il va détourner ou tordre la narration. Et le rapport entre la figure A, la figure B et la figure C, bien, le rapport que Michel Léris proposait dans L'âge d'homme entre Lucrèce et Judith de Tableau, c'est un rapport qui n'est pas nécessairement non plus narratif. Mm-hmm. Et je crois que Léris, qui n'a au fond jamais été du côté d'un récit construit comme tel, même dans Aurora ou même dans d'autres textes de Léris surréalistes, il va défaire ou déconstruire ce récit grâce aux rêves ou d'autres formes, il y a le même. Enfin, il y a une approche qui est comparable, qui n'a rien à voir, mais Bacon, en tout cas, que ce soit narratif, je n'en suis pas convaincu. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre Villard, sur ce concept de présence que Michel Léris présente, enfin, il insiste beaucoup quand même, il commence même par cette idée-là, dans ses écrits. Qu'est-ce que c'est que la présence d'une peinture de Francis Bacon, et est-ce qu'on peut pas dire que finalement, toute bonne peinture est présente à celui qui, ou celle qui la regarde? Tout à fait, c'est ce que dit Léris. Alors, il dit trois choses au fond différentes. Il dit d'abord cette présence, c'est de l'ordre de la présence réelle, et il y met tout le poids de discours et d'idéologie que l'expression présence réelle peut manifester, c'est-à-dire qu'il est conscient en particulier du fait que la laïcisation de procédés picturaux qui viennent de la peinture sacrée, Bacon les assume, et les assume pleinement. La deuxième chose, c'est qu'il manifeste la présence du créateur dans l'œuvre, c'est-à-dire que Bacon montre, à cause de sa technique, les procédés par lesquels il est arrivé à construire cette œuvre, il est dans son tableau, et cette présence est fondamentale, le créateur est dans son œuvre, et ça c'est pour Léris quelque chose d'essentiel. Et puis la troisième chose, c'est qu'il invite le spectateur, le regardeur du tableau, à éprouver sa propre présence devant cette image. C'est-à-dire qu'il entre dedans, dit Léris, de plein pied. Et cette sorte de continuité entre notre présence et celle de l'œuvre fait de cette œuvre quelque chose, dit Léris, qui dépasse justement ce qu'est toute bonne peinture. Mais qu'est-ce qui fait que une peinture de Bacon serait plus présente qu'une peinture, par exemple, de Picasso? Qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus présent en regardant un tableau de Bacon que ou d'un autre grand peintre? D'abord, des choses très précises, c'est-à-dire la façon dont Bacon concentre l'image. Hein, c'est-à-dire qu'il utilise des flèches, des seringues, des dés, des tuyaux, des fils donc ça, Léris tout de suite est sensible à ça, c'est-à-dire à la façon dont l'image peut être construite. Construite simplement avec des indicateurs qui vont nous conduire à se concentrer sur la torsion du corps sur le lavabo ou d'autres éléments. Ensuite, la couleur. Il y a peu de notes sur la couleur chez l'iris, mais elles sont très importantes. C'est-à-dire qu'il est très clair que l'intensité de la couleur et la façon dont dont Bacon dispose le rapport entre la figure et les aplats, par exemple, c'est une chose qui manifeste. Alors, le texte qui va, à mon avis, expliquer le mieux ce qu'est la présence pour l'iris, c'est Logique de la sensation de Deleuze. Il me semble que c'est le Logique de la sensation de Deleuze qui va le mieux aller, en termes plus philosophiques et haptiques, comme il le dit lui-même en prenant à Rigel ou à d'autres cette terminologie, va expliquer pourquoi l'iris avait effectivement découvert quelque chose. Il y a deux versions de Logique de la sensation, une en 81 et l'autre en 84. Il est très clair qu'entre-temps, il y a eu la lecture de Bacon face à ses profils et que c'est Deleuze qui explique le mieux ce que ce pourrait être cette dimension, justement. Et tout à l'heure, vous avez parlé, Pierre Villard, de la laïcisation qui fait que les grands récits ont évacué la société. On ne croit plus en Dieu, c'est la fin de ce sacré-là. Et du coup, la peinture, ça devient un simple jeu pour Francis Bacon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, un petit peu? Pour l'iris, c'est un simple jeu, mais c'est le grand jeu. C'est-à-dire que c'est... Donc c'est pour certes, l'iris, c'est l'iris qui c'est le dit. L'iris, hein. Oui, ouais. C'est l'iris. C'est-à-dire que, bien entendu, le retable de Grunewald ou des tableaux de Velázquez représentent, ou d'autres tableaux de peinture sacrée, hein, auxquels Bacon peut faire référence directement, représentent quelque chose qui va de ce côté de l'art sacré. Et nous avons affaire à deux agnostiques absolus, et qui le revendiquent, hein, pense même un athée du côté de l'iris. Mais cet athéisme, cet agnosticisme, n'empêche pas de reconnaître comment justement une peinture sacrée, une peinture de la manifestation, a pu approcher des techniques, et en particulier une humanité de la représentation de la présence, qui est le grand jeu. Qui est le grand jeu en peinture. Et quand l'iris dit le grand jeu, faisant aussi allusion au fait que son ami Bacon ne déteste pas la roulette et un certain nombre d'autres activités... Le jeu qui met vraiment en danger. Voilà, le jeu qui... l'homme qui a écrit qu'il faudrait mettre quelque chose comme l'ombre d'une corne de taureau dans la littérature, reconnaît un peintre qui met quelque chose comme le grand jeu en marche dans sa peinture. Merci beaucoup Pierre Villard. Pour aller plus loin, je ne saurais trop conseiller votre livre, votre édition des écrits sur l'art de l'iris chez CNRS Éditions. Tout de suite, la chronique du jeudi. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique que vous nous proposez aujourd'hui, Aliette Armel, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique littéraire, intervenante régulière le jeudi dans la compagnie des œuvres. Vous venez nous parler aussi des rapports de Bacon avec un écrivain, une écrivaine en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Marguerite Duras. Alors en octobre 1971, au dîner de vernissage de la rétrospective Bacon du Grand Palais, c'est Marguerite Duras qui est assise à la droite de l'artiste. Pourtant, les liens entre le peintre du portrait d'Innocent X et l'auteur du Ravissement de l'Olvestein n'ont pas marqué la postérité. Si on considère l'inventaire de la bibliothèque de Francis Bacon publié dans le catalogue de l'exposition 2019, on y trouve un seul titre de Duras, un volume rassemblant la traduction anglaise d'Hiroshima Mon Amour et celle d'une aussi longue absence. C'est en effet la Duras scénariste et auteur de théâtre qui était célèbre dans les années 50-60, particulièrement à Londres, où les représentations de ses pièces rencontraient un grand succès. Donc la Duras à la mode, ça ne signifie rien qu'il ait, selon vous, eu ce livre dans la bibliothèque. Duras, oui. Et comme Michel Léris, c'est par Sonia Orwell que Marguerite Duras a fait la connaissance de Bacon. Les deux femmes se sont liées d'amitié dès le début des années 50. Sonia Orwell était alors celle qui accueillait les artistes et écrivains de passage à Londres et qui leur faisait rencontrer les écrivains et artistes londoniens, comme Francis Bacon, alors exposé par Erika Brausen à la Hanover Gallery. Sonia Orwell apparaît dans Les petits chevaux de Tarquinial, roman publié par Duras en 53. Le personnage de Diana, une Anglaise solitaire, particulièrement intelligente et sensible, est un portrait très fin de Sonia Orwell. Mais dans les romans de Marguerite Duras, il n'y a aucune trace d'un peintre autodidacte, hors la loi par sa vie sans retenue, et ses toiles dont la violence sont trop souvent jugées scandaleuses. Bacon ne l'a même pas intéressée en tant que personnage. Elle, si avide de s'emparer de tous ceux qui s'approchaient d'elle pour les transmuer en figures de ses livres. Il y a tout de même un texte de Duras sur Bacon, un article publié par dans le numéro 129 de la Quinzaine littéraire en novembre 71, à l'occasion donc de cette rétrospective du Grand Palais. Cet article vient d'être pris dans le recueil « Conversation avec Francis Bacon » publié par l'Atelier Contemporain. Un article ou un entretien ? Alors c'est un article qui rend compte d'un entretien avec le peintre. C'est vrai que dans la version de l'atelier, on souligne les questions de Duras qui sont moins appuyées quand on prend la version primaire de la Quinzaine littéraire. Et c'est un interview qui, selon le témoignage de son entourage, avait laissé l'artiste Bacon complètement indifférent. Le résultat mérite tout de même qu'on s'y attarde. Pour une fois, Marguerite Duras s'efface. Elle laisse la place à son interlocuteur. Il développe avec une force magistrale le concept d'imagination technique, qui est de l'ordre de l'instinct, s'opposant à l'imagination imaginaire, plus cérébrale et volontaire. L'imagination technique, explique-t-il, c'est lorsque l'instinct travaille hors des lois pour retourner le sujet sur le système nerveux avec la force de la nature. Alors, l'idée est complexe, mais la phrase encore plus. Tout au long de l'entretien, Marguerite Duras ne traduit pas complètement. Elle laisse parfois les phrases en anglais telles que le peintre les a énoncées, et sur les notions complexes, l'anglais affleure tellement que le français résiste. Il n'en reste pas moins que ce concept d'imagination technique, mais aussi la notion d'accident invoquée comme point de départ toujours prévisible de l'œuvre, sont les mots-clés qui courent tout au long de l'entretien. Et il trouve des résonances chez Duras. N'invoque-t-elle pas souvent, comme matrice de son œuvre, l'ombre interne, la chambre noire de l'écrit, des pulsions qui la débordent sans qu'elle sache d'où et quand elles lui viennent. Puisqu'elle n'en laisse rien percevoir dans l'article, on ne peut que conjecturer sur l'effet produit sur elle par les tableaux. Alors que conjecturez-vous ? Mais que quand même, l'exigence vigoureuse de Bacon, le mouvement fulgurant et envoûtant dans lequel les peintures entraînent le spectateur, ne peuvent que la solliciter. Moi, j'y vois quelque chose comme une écho au tumulte des mouvements incoercibles et des sensations que révèlent certains textes de Duras assez fortement érotiques, comme l'homme assis dans le couloir. La violence, particulièrement celle des corps, est toujours sous-jacente chez Duras. Et chez Bacon, évidemment, elle explose avec netteté, dans les couleurs et avec une force particulière. Alors à la fin de l'entretien, Duras fait à son interlocuteur ce qui est pour elle un très rare compliment. « Vos tableaux éclatent d'intelligence », lui lance-t-elle. Mais d'une intelligence dont la pensée est absente, qui abolit tout jugement. Et pour Duras, c'est la seule intelligence qui vaille. C'est celle de l'enfant Ernesto, qui refuse d'aller à l'école parce qu'on lui apprend des choses qu'il ne sait pas. C'est celle de l'autodidacte en peinture qu'est Bacon. Il travaille seul, avec la lumière et la liberté, en abolissant le sens critique pour laisser toute sa place à cette imagination technique que Duras a contribué, pour une fois respectueusement, à rendre public. Voilà, tout est dans le « pour une fois respectueusement ». Merci beaucoup, Aliette Armel. Et puis donc, on peut lire cet entretien Duras-Bacon, vous l'avez dit, dans le livre « Conversation » publié par l'Atelier Contemporain. À très bientôt. C'est bien la Compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Francis Bacon depuis lundi dernier dans cette émission, avec aujourd'hui un dernier numéro consacré au rapport du peintre avec Michel Léris, c'était en première partie, et aussi avec Jacques Dupin, dont va nous parler à présent Dominique Viard, de même qu'il va nous parler de ses rapports avec l'écrivain Claude Simon. Il y avait toujours ce combat corps à corps, dans un espace circonscrit, avec ses accessoires, son rituel, sa théâtralité. Un affrontement où la violence, l'érotisme, la lucidité, le jeu et le défi de peindre se relayaient et fusionnaient pour transgresser le constat et faire surgir la vie et son inconnu de la destruction des apparences. Il y avait le mouvement de la transe, le chatoiement de la trace, le marquage infaillible de la peinture. Rien n'a foncièrement changé, et tout est différent. court extrait introductif d'un texte de Dupin sur Bacon, lui ici par Éric Herson. Marc Harel, bonjour. Dominique Viard, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en littérature à l'université Paris-Nanterre. Vous n'êtes donc pas à proprement parler un spécialiste de l'œuvre de Bacon, mais vous vous intéressez aux écrivains qui ont été marqués par son œuvre, que ce soit donc Dupin, Simon ou Léris. Dans le volume La littérature française au présent, que vous aviez publié avec Bruno Versier chez Bordas en 2005, vous aviez consacré une page à Michel Léris et Bacon à partir du texte de Léris intitulé « Ce que m'ont dit les peintures de Francis Bacon ». Et là, vous disiez que Léris ne veut pas légender des illustrations. Est-ce que vous pouvez développer sur ce thème et peut-être répondre aussi ou prolonger ce qui a été dit en première partie par Pierre Villard? Oui, il y a une grande réticence de Bacon à l'explication de ses peintures. Il s'y refuse véritablement et il est toujours très circonspect vis-à-vis des spécialistes de l'art qui tenteraient d'expliquer ce que ça veut dire. En fait, ça ne veut pas dire, ça, c'est là. Ça veut montrer. Le refus de légender, c'est le refus d'apposer une sorte de rationalité à des peintures qui s'y refusent, qui se dérobent à ce genre de circonscription, finalement. La peinture toujours excède ce que le discours peut essayer d'en dire. Donc, il ne s'agit pas de discourir, mais il s'agit quand même de dire les tableaux, me semble-t-il, ou de décrire le geste de l'artiste, ce qui est un petit peu différent peut-être. C'est justement l'une des pratiques de Jacques Dupin que de décrire le geste de l'artiste. Dans les textes qu'il a consacrés à Giacometti, qui s'appelle « Texte pour une approche », c'est ce à quoi il s'emploie, essayer de dire comment surgit la sculpture, comment surgit le dessin, comment le geste de l'artiste produit cet effet, et comment ensuite celui qui regarde la sculpture ou le dessin retrouve quelque chose de cette dynamique dans le rapport qu'il a avec l'œuvre accomplie. D'ailleurs, ce texte, des textes pour une approche, Jacques Dupin l'avait offert à Bacon, qui l'avait trouvé absolument magnifique, comme il le dit plusieurs fois dans des lettres qu'il a adressées au poète. Et très certainement, c'est aussi la manière que Dupin avait de parler de Giacometti qui a favorisé le fait qu'ensuite Bacon s'intéresse véritablement au texte que Jacques Dupin pouvait écrire à son sujet. Quand vous parlez du geste et de la manière de le décrire, ça me rappelle ce que Léris disait de la main bouleversée, c'est-à-dire la main du peintre qui transmet directement une émotion. Et c'est ça finalement la peinture, et notamment la peinture de Bacon, c'est l'émotion transmise directement par le geste de la main. Oui, et quand vous dites émotion, il faut l'entendre dans le sens étymologique du terme. En fait, c'est la mise en mouvement, c'est pas simplement quelque chose qui relèverait de la sensation, de ce qu'on éprouve. C'est une gestuelle. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure des accidents de la peinture. Jacques Dupin, à propos de cette toile qui s'appelle Blood on the Floor, dit qu'on a vraiment jeté la peinture sur la toile. Donc il y a quelque chose du geste, du jet qui réapparaît dans la flaque de sang qui étoile le centre véritable de la toile. Et cette mise en mouvement, c'est vraiment quelque chose qui caractérise les figures de Bacon. Ce sont des figures qui sont toujours en mouvement, elles ne sont pas stabilisées dans une sorte de posture comme le portrait traditionnel nous avait habitués à les voir. Elles sont prises de différents angles. On parlera tout à l'heure peut-être de la manière dont Simon a réécrit à partir des œuvres de Bacon. Et on voit bien que c'est cette superposition des différents points de vue sur une même figure qui construit sa façon d'apparaître et de disparaître à la fois. Alors on parlera en effet de Simon, mais puisque on parle de Dupin, restons-y. Je vais vous faire écouter d'abord un extrait de ce même texte dont on a entendu tout à l'heure une première partie. Dans l'autoportrait, un seuil est franchi. Les accessoires et le gréement de la mise en espace ont disparu. La couleur est discrète, retenue, entravée. Dans la chambre vide, le personnage est seul, sans soutien, livré à lui-même, offert à personne. Sans le geste ou l'élan du geste qui pourrait altérer ou fissurer son immobilité exposée et sa vérité nue. Un homme sans qualité, assis sur un tabouret dans l'espace immense. Le gonflement du sol épousant la terre, les bandes presque effacées suggérant le mur. Rien d'autre, mais le tout de l'homme et du monde est là, comme frappé de stupeur, que l'éclair blanc de la base du tabouret, qui rappelle la multiplicité des supports circulaires, lits, arènes, pistes ou cages. comme un signe de l'immobilité et du tournoiement accouplé. Ecce homo. Cet homme est ressemblant. Cet homme est insaisissable. Comme détaché, retiré à l'intérieur, silencieux, les yeux tournés vers le dedans. Toujours par Éric Herson, Marc Harel, Dominique Viard. Alors il faut dire que ces textes de Dupin ont été publiés dans un livre quelques mois avant sa mort, qui s'appelait « Par quelques biais, vers quelques bords » aux éditions POL. C'était en 2009, il est mort je crois, en 2012. Comment en parle-t-il ? En parle-t-il en poète ? En parle-t-il en critique ? Comment se positionne-t-il selon vous ? C'est très étonnant les textes que Jacques Dupin consacre à Bacon. Apparemment, ce sont pas les peintres, ce ne sera pas le peintre qui l'a le plus intéressé. On le connaît plus comme un grand spécialiste de Miro, dont il fut l'expert international, proche de Giacometti, proche de Tapiès. Et il n'y a que deux textes sur Bacon. Deux textes qui parlent de tous ces peintres d'ailleurs dans le même livre. Oui, mais les textes sont parus une première fois au moment des expositions que Dupin avait organisées de Bacon à la galerie Maglelon. C'est d'ailleurs Dupin qui a fait rentrer Bacon dans cette galerie dès 66 pour la première exposition qu'il y tient. À l'occasion de laquelle il avait demandé un texte à Michel Léris, dont nous parlions tout à l'heure. Ce qui est tout à fait singulier, c'est que l'attachement de Dupin à Bacon est comme plus discret, finalement, peut-être plus secret que celui qu'il manifeste pour les autres peintres. Mais c'est aussi parce que cet attachement est plus sourd et certainement beaucoup plus intime, en fait. Cela va chercher des choses qui sont dans l'intériorité profonde du peintre. Et du poète, pardon. Et c'est quelque chose qui est très très sensible dans la relation qu'ils ont eue, dans l'intérêt que chacun a porté à l'œuvre de l'autre, dans la manière que Dupin a d'en parler. Que vous compareriez à la relation, au type de relation avec Léris dont on parlait au début de cette émission. Oui, mais de manière moins affichée, moins évidente que ce que disait Pierre Villard tout à l'heure. Dupin est plus en retrait. Le premier texte qu'il publie sur Bacon s'appelle « Note en marge » d'un texte de Michel Léris. Donc il se met un petit peu comme en sourdine, en fait. Et j'ai eu l'occasion de voir le livre de Michel Léris dans la bibliothèque de Jacques Dupin. Michel Léris « Face et profil » où Dupin a surligné des passages, les a vraiment annotés. On sent que entre les trois hommes s'opère quelque chose comme une relation très féconde, comme une discussion qui se tiendrait par l'intermédiaire des textes qu'ils publient les uns sur les autres, du moins Léris et Dupin sur Bacon. Mais c'est aussi que la peinture de Bacon va chercher chez Dupin des choses qui sont peut-être pas véritablement refoulées, mais extrêmement intimes, extrêmement profondes. Et du coup, il est peut-être un peu plus réticent à les laisser apparaître. Comme quoi, par exemple ? Alors, notamment, on pourrait parler déjà du portrait que Bacon fait de Dupin. On n'a pas assez souligné le fait que les portraits de Bacon sont très différents de ses peintures et de ses triptyques. Les triptyques sont toujours sur des aplats de couleurs vives, alors que les portraits surgissent d'une teinte sombre, en fait. C'est des petits formats aussi. Les formats sont un peu plus petits. Les triptyques sont très grands. Oui, mais la tête apparaît d'un seul coup au milieu d'une nuit, au milieu de l'ombre et de la pénombre. Et tout à l'heure, on disait qu'elle est déformée dans le sens de son apparence. Il faut entendre par là, non pas qu'on va montrer l'apparence de ce visage, mais quelque chose comme une apparence intérieure, en fait. Le portrait que Bacon a fait de Jacques Dupin, qui avait été commandé par Jack Lang lorsqu'il est arrivé au ministère de la Culture. En fait, Lang avait demandé à Bacon de faire le portrait d'une personnalité française qu'il aimait. Mmh. Et Bacon avait déjà fait deux portraits de Léris à ce moment-là. Et donc, c'est Dupin qui l'a choisi comme modèle. Et on voit apparaître non pas le visage de Dupin, qui est plutôt bel homme, qu'on a l'habitude de voir sur les photographies, mais une sorte de visage de boxeur, non pas fondu comme celui de Léris, mais cabossé véritablement. Et cette identité-là, c'est effectivement une sorte d'identité profonde du poète, d'un homme qui a été très profondément perturbé par les expériences de la vie. Mmh. On sent là que, au lieu de rationaliser la figure dans son apparence sociale, en fait, ce que fait Bacon, c'est d'aller chercher une sorte d'intimité quasiment inconsciente de celui qu'il représente et de la donner à voir d'un seul coup. Ce n'est pas hasard s'il s'est intéressé autant au bœuf écorché de Rembrandt. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il écorche l'âme des gens qu'il représente. Et à l'inverse, qu'est-ce que Dupin nous dit de Bacon ? Est-ce que ce n'est pas d'abord un discours ou une réflexion sur le corps chez Bacon qui l'intéresse ? Vous diriez ça, Dominique Viard ? Je dirais pas que c'est sur le corps chez Bacon, c'est plutôt sur le corps, simplement, le corps lui-même, le corps tel qu'il s'éprouve et que les peintures de Bacon le donnent à voir. Mais un corps qui s'éprouve aussi dans, je dirais, l'expérience que chacun peut en avoir. Il y a une belle phrase de Deleuze dans son livre qui dit que le corps d'un homme qui souffre est celui d'un animal, et que le corps d'un animal qui souffre est celui d'un homme, en fait. Il y a de l'humanité dans la souffrance et de l'animalité à la fois. C'est ce que Bacon donne à voir. C'est ce que disent aussi les poèmes de Jacques Dupin. Bacon est d'ailleurs très, très sensible à certains textes de Dupin, comme La ligne de rupture ou L'onglet, qui disent la même chose, mais de manière poétique, cette fois, que ses propres tableaux. Alors, on dit parfois que la poésie de Dupin est assez âpre. Est-ce que finalement, il n'est pas davantage dans sa propre intimité quand il parle des peintres et quand il parle de Bacon ? Est-ce qu'il n'est pas, finalement, est-ce qu'il ne se livre pas encore un peu plus ? Absolument. Et alors que la poésie de Dupin est plutôt assez austère et retenue, assez peu de confidences dedans, lorsqu'il parle des peintures de Bacon, on sent au contraire que c'est toute son intériorité pulsionnelle qui s'avoue dans le texte, qui s'autorise finalement par le truchement de l'autre à s'exprimer. Est-ce que vous savez s'il a écrit des poèmes à partir de Bacon, comme il a fait des poèmes à partir de Malevitch? Alors, il n'y a pas de texte qui s'intitulerait Bacon ou qui évoquerait Bacon de manière très précise, mais j'évoquais tout à l'heure La ligne de rupture et L'onglet. Et je vais vous dire un tout petit passage d'un de ces deux recueils, c'est La ligne de rupture, et on sent toute l'imprégnation qu'il peut y avoir de la peinture de Bacon dedans, lorsque Dupin écrit « Visage lié à la répétition d'un meurtre, nul, comme si l'effraction, comme si le nuage le dérobait, disparu, imminent, ou sur le point de changer de corps. » Vous voyez, c'était l'image du visage qui change de corps, me semble tout à fait proche des figures qu'on peut voir chez Bacon. La Compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Francis Bacon et des écrivains avec vous, Dominique Viard. Et on termine cette émission en évoquant Claude Simon, dont vous êtes spécialiste, comme vous êtes plus généralement spécialiste du nouveau roman. Claude Simon, qui était peintre au début de sa carrière, avant finalement de, par dépit peut-être, on ne sait pas, devenir écrivain. En tous les cas, on en est plutôt satisfait en tant que lecteur. Il y a un livre en particulier qui s'appelle Triptyque et dont une partie a été inspirée par Francis Bacon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de la création de ce livre ? Oui, ce livre a complètement changé de nature lorsque Claude Simon a visité l'exposition Bacon au Grand Palais en 1971. Il a été fortement impressionné par ses œuvres. Il est retourné la voir. Et c'était une découverte puisque Orion aveugle, qui est un ouvrage qui paraît l'année précédente, en 1970, aux éditions Skira, justement là où sont aussi les entretiens avec Sylvester de Bacon, ne faisait pas du tout état de Bacon. Donc c'est vraiment une découverte. C'est une et découverte, même un choc alors. Ah oui, découverte telle que le livre en cours change complètement de forme et de nature. Dans un colloque qui s'est tenu à Cerisy, Claude Simon se confie en disant que certaines œuvres avaient pour titre triptyque, titre et principe que j'ai trouvé en eux-mêmes tellement excitants que j'ai décidé d'adjoindre à mes deux premières séries une troisième, celle de la station balnéaire, inspirée d'ailleurs elle-même par l'étoile de Bacon. En fait, Triptyque se présente non pas comme un livre en trois parties avec trois histoires, d'ailleurs ce ne sont même pas des histoires, ce sont plutôt des figurations, des images qui apparaissent et qui sont entremêlées les unes aux autres. Mais ces trois histoires, déjà leur titre vient effectivement de cette présence des triptyques de Bacon dans l'exposition de 71, mais le contenu même des récits, c'est difficile d'appeler ça des narrations, des descriptions plutôt, qui sont données dans ce livre, est entièrement inspiré de la peinture, et notamment de trois peintres, en l'occurrence Delvaux, Dubuffet et Bacon, avec une prégnance telle de Bacon que la série, c'est ainsi que Simon appelle ces formes narratives, la série Bacon imprègne aussi les autres séries, déborde, envahit complètement le livre. Et nous avons des pages qui sont quasiment des descriptions de peintures de Bacon, jamais nommées dans le texte, mais que l'on peut identifier très facilement. Et notamment les trois études pour une crucifixion qu'on peut retrouver dans le texte. Oui, il y a les trois études pour une crucifixion, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le triptyque inspiré par un poème de T.S. Eliot. Il y a le portrait de George Dyer et Lucian Freud. Il y a figure couchée avec seringue hypodermique. Il y a aussi cette peinture, vous savez, qui représente, inspirée de Muybridge, d'après Bacon, qui représente notamment un enfant paralytique à quatre pattes. Toutes ces choses-là sont rassemblées dans le livre de Simon, avec des descriptions qui sont parfois tellement à la lettre qu'on a l'impression de voir la peinture de Bacon plutôt que d'être dans le texte de Claude Simon. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que donc cette troisième partie inspirée de Bacon, c'est la partie sur la station balnéaire, ou est-ce que là pour le coup Bacon n'a rien à voir là-dedans? Le fait que ce soit la station balnéaire, non, on n'est pas inspiré de Bacon. Il y avait dans les matériaux qui ont suscité ce livre un certain nombre d'éléments qui viennent soit de la vie de Claude Simon lui-même, de ses expériences, soit de ses livres antérieurs. Avec notamment des noms de personnages, Corinne, Dreschac, etc., qui apparaissaient, mais qu'il a estompé, qu'il a effacé pour laisser la place la plus grande à la peinture, véritablement. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que l'esthétique qui se déploie alors, et nous sommes dans la période la plus formaliste de Claude Simon, est une esthétique qui va chercher ses formes chez Bacon, avec des descriptions de lieux où les intérieurs sont très cadrés, des salles de bain, des chambres d'hôtel, exactement comme Bacon lui-même cadre ses figures avec ces sortes de parallélépipèdes légèrement dessinés qui les enferment véritablement. Cet isolement des figures qu'on trouve chez Bacon aussi au milieu d'une toile souvent de couleurs très très vives. Claude Simon parle des corps nus comme dans un cube, d'un couple enlacé comme au milieu d'un ring. Le choix aussi de couleurs extrêmement pures et franches, du rouge, de l'orange, du mauve. Il parle d'un ciel trop bleu, d'une mer trop bleue, d'une façade blanche. Un autre moment, ce sont des rouges et des oranges criards, dit-il. Donc tout est comme venu de la peinture pour nourrir l'écriture. Mais voilà, qui nous donne envie de lire ou de relire le triptyque de Claude Simon avec cette nouvelle lumière. Merci beaucoup Dominique Viard. Je rappelle donc deux livres dont on a parlé avec vous, Par quelques biais, vers quelques bords, publié chez POL. C'est le livre de Jacques Dupin. Et puis donc le livre de Claude Simon dont on parlait à l'instant, c'est Triptyque, publié aux éditions de Minuit. Merci également de nouveau à vous Pierre Villard pour nous avoir parlé des écrits sur l'art de Léris, dont je rappelle que vous les avez édités. Ils sont disponibles chez CNRS Éditions. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Vanessa Prévost, Didier Pinault, Hélène Rivière et Théo Gomard. Demain, vous retrouverez La Compagnie des poètes, présentée par Manu Farine, tandis que lundi prochain, c'est autour de la vie et de l'œuvre de l'écrivain Pierre Loti que s'articulera notre semaine. Et dans un instant, vous retrouvez Les Sciences sur France Culture.